1, 2, 3. I ain't got no motherfucking capabilities. I ain't capable of breaking walls or taking flight, changing form or falling from amazing heights. But I ain't afraid to brawl or face my frights. Face it, y'all, I'ma break a ball when I take a mic. It takes a mic to get up on a fucking stage and preach. Expose the fake shit and make sure that the fake impeached. The games I pitched became the saver like the name was Peach. And when the show's over, we both be leaving with two ladies each. I'm breaking teeth and send them flying through the roof. Your troops are crying, getting juice as I spit fire in the booth. You an Iron Man, I'll fry you through the iron in your suits. The man gets tied up to his web, I'm tightening the noose. I'm the lightning killing Zeus, striking biters in the tooth. My freezing rhymes will leave you guys stiff in cryogenic boots. But why use my superpowers, brothers? I am living proof that you could be a true hero, just flying a spider in the youth. It's time to introduce the flyest in his group, the hardest duo. Chill bump, the smartest artist, you know, your squad is too slow. But you got no time for your BS, time for the be with us and the guys, or the spider to be us. Yeah, so call us up to save the day. And we finna turn up straight away. We'll line them up, make them pay. To let me fake ass rapper phase away. So call us up, to say the day. And we finna turn up straight away. We'll line them up, we make them pay. 1, 2, 3. Hold up, chill, wait up, y'all. Get your weight up, y'all. What you waiting for? It's your wake up call, so inspiration, all the games and draw. Follow me, guys, ain't no more. Let's get these major labels off. Take a art back, out the gator's jaw. Raise the bar, this isn't limbo. They said it been all these little brittle spinners. I sought the silk of feather pillows. Follow me, independent heroes. Let's piss off mumbo jumbo rappers. Bragging about they swag, I'm peccadillos. And knuckle up with these weak clowns. Motherfuckers get beat down. I'll uppercut them and punch them up, and it's gone right through the beat clouds. Comic readers gon' be. When I knock all the dead teeth out, have a seat in more stars than a day. We're in the VIP lounge. Shouts to homies who hold me down. Those attempts we get thrown around. One punch and they going down like Gorgeous George, then go to Brown. They call for blood, they choke or drown. They dead to bury below the ground. Where we know that they won't be found. Me and Joker roll. Yo, we got one goal. Yo, we got one roll. To throw you artists off the stage and take control. To make the crowd root for us, have a fun show. And leave our enemies tied up in a bun. Yo, we got one goal. Yo, we got one. Roll and throw you artists off stage and take control. Make the crowd root for us, have a fun show. And have them going fucking equal cause they want more. So call us up to save the day. And we finna turn up straight away. We'll line them up, make them pay. To let me fake ass rapper phase away. So call us up, to save the day. And we finna turn up straight away. We line them up, we make them pay. 1, 2, 3, 4. Your superhero powers can change the world, and you don't need a secret identity or a special uniform, but you do need a true sense of responsibility and a belief in your ability to change the world. Bonsoir, vous venez d'écouter Chill Bump, le duo Turangeau, avec leur flow franco-anglais. Il est 19h, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Nous sommes ensemble pour une heure. Aujourd'hui, je vous propose une spéciale. Et oui, l'objectif de cette chronique est de vous faire découvrir les artistes émergents, mais également les métiers de l'ombre, indispensables, qui peuvent susciter les vocations. Anaïs est avec nous pour en parler. Bienvenue dans les coulisses, Anaïs. Bonjour Bérénice, bonjour tout le monde. Tu es bien installée ? Oui, très bien, très bien. D'accord, tu m'entends bien, pas trop fort ? C'est parfait. C'est parfait, d'accord, ouais. Très bien, on t'entend bien également. Alors là, tu arrives tout fraîchement. Alors, tu m'as dit de La Rochelle, mais moi, ce qui m'intéressait, ouais. C'est que je sais que tu viens pas de là à la base. Non, tout à fait, oui. Donc, tu viens directement d'Issoudun, toi, sinon. C'est ça, oui. Je suis à Issoudun en ce moment, en formation. D'accord, très bien. Tu es originaire de la région ? Oui, je suis née à Châteauroux et puis j'ai passé 10 ans à Orléans avant de repartir pour Châteauroux et Issoudun ces trois dernières années. Alors, tu peux m'expliquer ce que tu fais sur Issoudun ? Alors, je suis actuellement, depuis le mois de janvier, en formation régie de production pour faire de la régie, donc spécialisée dans les métiers de la musique actuelle plus particulièrement. Ça peut être transposable à d'autres métiers culturels, ça peut être pour de l'événementiel ou de la danse ou du théâtre, mais on est quand même bien spécialisé dans la musique actuelle. Donc en fait, tu es en formation, les formations d'Issoudun, qui est une professionnalisation. C'est ça. Il y a plusieurs, donc c'est une formation au métier de musique actuelle, c'est oui. Spécifique, sur Issoudun, et il y a plusieurs métiers. Enfin, vous avez plusieurs possibilités en fait. Oui, c'est ça. Oui. Vous pouvez vous former sur le chargé de production, le métier de chargé de production, régie générale, régisseur de production. Et toi, ton choix a été régisseur de production. Oui, c'est ça. Et il y a la formation technicien de plateau aussi. Technicien de plateau, donc il y a 4, d'accord. Et puis, si j'ai bien compris, tu as une partie. On va un petit peu expliquer comment ça fonctionne, qui est une partie certification et une autre préqualification. Donc ce sont deux formations différentes. Toi qui as en plus travaillé de l'intérieur, parce que tu as travaillé aux formations d'Issoudun pendant à peu près une année, c'est ça ? Ouais, un an et demi, un peu voilà, plus d'un an. Avant d'être de l'autre côté, avant d'être stagiaire, parce qu'aujourd'hui tu es stagiaire. C'est ça. D'accord, ouais. Pour devenir régisseuse de production. On dit régisseuse ou régisseur ? Bah les deux du coup, parce que maintenant on peut dire régisseuse pour les femmes, oui. D'accord. Donc on va juste rappeler quelques appellations parce qu'on a tendance à un petit peu tout mélanger. Oui. Parce que tu vois sur mon bandeau dans les coulisses j'ai noté régie, mais en fait j'aurais dû spécifier. Puisque tu as la régie générale notamment là dans les formations d'Issoudun et toi c'est régisseur. Régie de la production. Alors, on va peut-être spécifier un petit peu les trois... différences. En fait, il n'y a pas régie générale et régie de production. Le nom de la formation, c'est régie de production. On a la formation de chargé de production et la formation de technicien de plateau. Il y en a trois, pour l'instant, des formations longues. Et c'est dans la régie de production, en fait, où le contenu des cours est beaucoup plus large. Et donc, on voit la régie générale, on voit de la régie de tournée, on voit de la régie de salle. C'est quand même très, très large au niveau du contenu. Alors moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, je suis allée faire aussi mes petites recherches, oui. Mais on ne va pas trop s'éparpiller, mais pour qu'on soit bien, bien clair là-dessus. Moi, j'avais compris que la régie générale, c'était le boss, entre guillemets, des régisseurs de production. Oui, après, il peut y avoir aussi, tout dépend en fait des structures. La plupart du temps, en fait, les structures sont petites. Ils vont avoir pour les salles des régisseurs généraux. Et après, c'est au niveau des différentes structures où il peut y avoir de la régie de production. Pardon, par exemple des dates des tourneurs où ils vont embaucher des régisseurs de production qui vont en fait on va peut-être pas rentrer tout de suite dans ce genre de détails rentrer, voilà. Moi ce que je te propose c'est quand même de revoir rapidement les appellations des formations d'Issoudun pour bien te classifier parce qu'il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées par ces formations et donc j'ai vu chargé de production, technicien de plateau, régie générale. Régie de production, c'est la formation longue, c'est régie de production. C'est la formation longue, régie de production, ouais. D'accord. Et le régie générale, il n'y a pas, parce que moi j'ai vu l'appellation sur les formations d'Issoudun. Alors, régie générale, c'est un module court d'une semaine qui donne en fait des... C'est une préqualification. Exactement, c'est les stages de préqualification d'une semaine. C'est ce que je voulais dire. Donc, tu as, dans la chargée de production, c'est une formation longue. C'est ça. D'accord. Donc là, tu as la stratégie globale d'un projet, tu travailles sur la production, la communication, la diffusion, la promotion. Oui. La chargée de production dure combien de mois à peu près ? 8 ou 9. 8 ça ou 9 commence mois. En général fin octobre et ça se termine en avril-mai. D'accord. Ensuite, donc ça, c'est... Tu as une certification à la fin, donc une évaluation et tu... à cette évaluation ou pas, était certifié ou pas. C'est ça. Ok. Ensuite, tu as la régie générale qui est ce qu'on appelle une préqualification. Oui. Donc, c'est-à-dire ça dure une semaine, mm-hmm. enfin peut-être même moins que ça. Si, c'est ça. C'est une initiation. Oui. On est d'accord. Tout à fait. Qui est environ de 35 heures. T'es mm-hmm. un maximum de 18 personnes, parce que généralement, c'est petit, hein, en fait. Hein, oui. D'accord. Oui. Et en fait, c'est plutôt un cours magistral et ça te donne une idée, en fait, de ce que va être un régisseur. Exactement. Ça te donne les grosses idées. C'est ça, en passant par les trois principaux, enfin, c'est pas les trois principaux, mais les trois grosses visions du métier, c'est-à-dire la régie de salle, la régie de tournée et la régie de festival. D'accord. Donc ça, c'est la préqualification. Donc ouais. Là, tu n'as pas besoin d'avoir une certification, tu es juste présent, c'est du présentiel. C'est ça. Tu es là pendant une semaine et tu as des professionnels aussi, je crois, sur la préqualification. Oui, bien sûr. Hein oui. Parce oui. que le principe, il est toujours le même. Tu as des cours magistraux, mm-hmm. tu as une rencontre avec des professionnels. Oui. Et tu peux avoir des mises en situation pour la préqualification et pour la certification. Par contre, ce qui va différencier, c'est le stage. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, en fait, les mises en situation, c'est plutôt pour la formation longue. Dans les formations courtes, il y a très, très peu de mises en situation. C'est beaucoup plus de la découverte que vraiment de la pratique. D'accord. OK. Alors, ensuite, moi, qu'est-ce que j'avais noté ? Donc ça, c'était pour la régie générale, c'est la préqualification. Donc, on oui. va dire l'initiation. Parce que c'est vrai que tout à fait. Préqualification, voilà, c'est quelqu'un qui veut débuter sur la régie, vaut mieux qu'il commence par une initiation. Et ensuite, il fait ce qu'on appelle la certification, qui est de 9 mois, c'est ça, toi, c'est ta certification ? La mienne est plus courte. C'est les chargés de production qui sont 9 mois et les régisseurs, c'est plutôt 6-7 mois. Avec le stage, on arrive à 7 mois. Ouais. D'accord. Donc, OK. Donc, toi, c'est régisseur de production donc de 6 ou 7 mois. Mm. Tu as une certification, c'est-à-dire une évaluation. Tu as un niveau 3, c'est ça ? C'est ça. Donc, le niveau 3, ça correspond à quoi, tu sais ça ? C'est un bac plus 2, si je me rappelle bien des niveaux de certification. Donc, pour y rentrer, il faut avoir minimum bac plus 2 ? Non, c'est l'inverse. C'est, on peut rentrer avec n'importe quel niveau scolaire. Mm-hmm. Par contre, si on passe la certification et qu'on réussit l'examen, on obtient un bac plus 2 avec cette formation-là. C'est vachement intéressant. Niveau bac plus 2. Mm, d'accord. OK. Alors ensuite, moi, ce que j'avais compris, donc après, tu me dis, hein, parce que c'est toi qui as fait les... Voilà. Sur les formations d'Issoudun, on va quand même faire un... On va continuer sur le... Je sais qu'il y a les formations pré-qualification mm-hmm. Qui existent ailleurs que sur la régie générale. Oui. Tu as le booking, hein, ça existe toujours, parce que je l'ai faite, celle-là. Est-ce qu'elle existe encore ? Ils sont en train de retravailler sur une autre formule, donc je ne suis pas sûre qu'elle existe encore pour l'instant. Mais il y a d'autres choses qui se préparent pour le booking. D'accord. Et il y avait la cartographie ? Oui, ça existe toujours, oui. D'accord. Donc là, la cartographie, c'est pareil. C'est une initiation. Donc, on appelle ça une préqualification aux formations d'Issoudun. Mm-hmm. C'est pareil. C'est sur une semaine, 35 heures, environ 18 personnes, des cours magistraux, rencontres avec des profs. Mm-hmm. Et la cartographie, tu peux nous expliquer exactement à quoi ça correspond ? Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui y vont. Hein. Alors, la cartographie, donc, le nom de la formation courte, c'est « Organisation du monde de la musique ». Qui est très axé sur ce qu'on appelle la cartographie des métiers des musiques actuelles, qui en fait permet de se situer dans le secteur. C'est une sorte de carte où on explique les différents trajets d'une œuvre en partant de sa création, de l'enregistrement, mais aussi tout ce qui est le live. En gros, il y a quand même trois branches. Principal, il y a l'édition, la musique enregistrée et le live. Voilà. Et puis on suit le chemin de l'œuvre à travers ces trois branches-là jusqu'au public finalement, jusqu'à nous. Ouais, est-ce que c'est ce que tu peux conseiller quand on démarre dans la musique oui. Ou pas ? C'est quand même passer par cette cartographie en fait, pour avoir une vue d'ensemble d'un projet et savoir où on se situe et quels sont les partenaires et comment ça se module. C'est plutôt à conseiller en démarrant en fait. Ah oui, carrément, exactement, parce que ça donne déjà une idée globale de comment fonctionne le secteur. des différents métiers qui gravitent autour, autour des musiques actuelles. C'est important non seulement de pouvoir se situer soi-même quand on a déjà démarré une activité dans le secteur mais qu'on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne, mais pour ceux qui n'ont pas encore débuté et qui ne savent pas par quel bout commencer, cette cartographie permet justement de voir toute l'étendue des métiers qui existent et de pouvoir se positionner par rapport à ce qu'on a vécu par le passé, par rapport à sa propre formation et par rapport à ses aspirations. T'as tout dit, hein. On peut fermer et puis on s'en va. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis c'est pareil, c'est ce qu'on appelle aussi une préqualification. Donc c'est pareil, c'est sur une semaine, voilà. Ok. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment on peut y accéder, mais surtout, avant de rentrer dans le détail sur toi, ta formation actuelle, on va juste expliquer comment ça peut être financé, ça. D'accord. Alors, je ne suis pas une experte dans les financements. On ne rentre pas dans les détails. Oui, d'accord. Je peux t'aider si tu veux, parce que je suis allée voir. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui. Alors, que ce soit de la préqualification ou de la certification, ça peut être financé par Pôle emploi. Les certifications, ce n'est pas vraiment Pôle emploi, c'est plutôt la région qui finance. D'accord. Ensuite, j'ai trouvé ces fonds propres, donc personnels. Tout à fait. Ça peut être aussi les employeurs. Oui, dans le cadre des fonds GESIF, etc., qui est amené à disparaître avec la réforme de formation professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais les fonds GESIF... ne fonctionne plus de la même façon à cause de la réforme. Donc, c'est un petit peu la difficulté que l'organisme de formation, enfin les formations d'Issoudun, a à traiter avec les personnes qui sont actuellement en emploi et qui voudraient se former à ces métiers-là. Bon, après, il y a d'autres formes de financement, mais les fonds GESIF, ça devient un peu compliqué. Y a la région Centre aussi ? Oui, c'est ça. Donc, c'est la région Centre qui finance en grande partie les formations à partir du moment où on est demandeur d'emploi. Donc, ce n'est pas Pôle emploi qui finance, c'est la région. D'accord. Mais il faut être demandeur d'emploi pour que la région finance. D'accord. Il y a quand même pas mal de possibilités, à savoir qu'une préqualification la semaine, si on devait se le financer en fonds propres, ça coûte 60 euros. Oui, ce n'est pas très cher pour une formation. C'est hyper accessible. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut... c'est accessible à la cartographie, à la tout, tu quoi maintenant, c'est l'organisation des tournées maintenant, c'est ça, au lieu du booking. Je ne sais pas exactement où en est le projet, mais ça sera pour ça. Ouais. Donc là, deux, t'as régie générale du coup. C'est ça. Donc celle-là, c'est une semaine. En fait, toutes celles qui sont à une semaine en préqualification coûtent 60 euros. C'est ça. Donc après, il faut pouvoir se loger sur place sur Issoudun. Oui, il y a souvent des stagiaires actuels parce que les formations courtes se déroulent souvent pendant la formation, une formation longue au moins. Et en général, les stagiaires qui sont en formation longue sont très ouverts et permettent à ceux qui viennent pour les stages courts de se loger à la semaine avec eux. Il y a souvent des arrangements qui arrivent à se trouver. Sinon, après, il y a des petits hôtels pas trop chers parce que c'est Issoudun et que... et que les hôtels ne sont pas très très chers là-bas, donc ça va. Ouais, c'est assez agréable, c'est quand même un peu, ça fait pas colonie vacances je dirais, mais c'est assez soudé quand même. Hein. Oui. En fait, pendant qu'il y a les formations longues, il y a les formations courtes qui sont là aussi, qui sont en parallèle, et parfois les groupes se retrouvent le soir, et sous une bonne bière. C'est ça, oui. On forme des soirées, on va à des concerts ensemble. Et en fait, on se fait aussi notre propre réseau de cette façon-là. C'est très important. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on peut se faire notre propre réseau, c'est pendant les formations. C'est-à-dire, on se fait un réseau via les intervenants qui viennent, les professionnels, puisque quand ils viennent... ils nous laissent toujours, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais leurs coordonnées personnelles avec leur adresse mail. Et il y a un suivi des stagiaires. Enfin, moi, je peux te dire parce qu'aujourd'hui, j'ai encore un suivi de certains avec certains. Donc, ils ne nous laissent pas tomber. C'est vrai. Même pour les formations courtes, parce que moi, j'ai fait que des formations courtes, par contre. Hein. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, donc le réseau aussi des régisseurs, des chargés de production... ça continue à évoluer, et parfois sur des festivals On a des appellations pour chaque section, c'est ça? Oui. Comment vous appelez-vous? Alors, les régisseurs de production, c'est RP. Et puis après, on colle le nom, l'année de la session de formation en cours. Donc là, on est RP22. Les chargés de production, c'est 3M. Donc les 3M, en fait, c'était pour manager du monde de la musique il y a quelques années, qui était le premier nom de la formation, qui est devenu chargé de production par la suite. Mais l'appellation 3M est restée. Donc là, cette année, c'était 3M31, si je me souviens bien. Et technicien de plateau, c'est TP4. Ça fait combien de temps que ça existe, les formations d'Issoudun? On a plus de 30 ans maintenant. Ça a commencé en 89. Ouais. Donc, une belle progression. Ouais. C'est une belle progression. Avant qu'on puisse détailler, en fait, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu vas devenir, oui. Dans combien de temps, là? Un mois, 2 mois? Oui, pas très loin. Bah, là, on finit les cours dans 3 semaines. Mm-hmm. Et on démarre les stages jusqu'au 22 septembre, les stages. D'accord. Alors, on va se faire une petite pause et puis tu nous expliques en détail ce qu'est être régisseur de production. D'accord. C'était grand. On va s'écouter L'Or du commun. Téléphone. Je ne sais même pas lire, là. C'est moi qui l'ai choisi. Téléphone de L'Or du commun. Ça tourne pas rond dans mon ciboulot. Je me sens à l'étroit dans mon encéphale. Quand je suis seul, j'ai l'impression qu'on est plein. Quand je suis plein, j'ai l'impression d'être seul. Ça tourne pas rond dans mon ciboulot. C'est dans mes gènes, ma peine est ancestrale. Ouvrir ma gueule me fait trop de bien. Trop de choses à vider par ce petit goulot. Hey. Tandis des bouillonnes dans ma tête, ce que je couche sur papier n'est que l'écume. Certains de mes penchants m'inquiètent, je les ai vus dans le reflet, ça m'a déçu. Wow. Dis-moi à quoi la vie se résume, hein. J'ai fait des études, ça m'a presque rendu fou. J'ai fait des bêtises, ça m'a presque rendu cool. Ton reflet te parle dans le lavabo, pourtant t'as les lèvres fermées. T'as sûrement rêvé, tes souvenirs ont passé l'arme à gauche. T'essaies de mettre ton horloge interne à la bord. Mais tourner sur toi-même, c'est juste un autre moyen de planer. Quand tu n'as pas ta drogue, continue de causer au robinet. On fera comme si t'avais l'air ordinaire. Une journée de plus dans une combinaison blanche, à prendre tes doigts pour un combiné. Comment trouver le bondi? Quand tu restes immobile, ça te casse la tête. Quand tu fronces dans les murs, ça rebondit. Mon phone sonne, y'a personne au bout du fil. Je parle au néant, ma raison a pris la fuite. Cette nuit, je suis plus mon propre pilote, je suis plus maître de ma vie. Non, je me questionne, je vois des choses même dans le vide. Y'a personne au téléphone. Non, non, y'a personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Dans les glandes, ça divers, j'ai vu les gens noyés dans l'avidité. C'est quoi l'idée? Une poignée de gens vaniteux semblent être les seuls de la vérité. Jeune homme recherche stabilité. Jeune homme recherche stabilité. Un pied dans le vide, j'ai peu d'habilité. Les problèmes, j'ai pris l'habitude de les minimiser. Hey, la folie, c'est le génie ou le néant. Je me sens vivant sous les néons. J'aime avoir le crâne endolori. Les gens sont lassés de leur vie. Cette ville a des allures de monopoly géant. Adolescent, je prenais des pilules. J'étais ce jeune funambule qui devait se lever seul. J'ai le souvenir d'une vie sans le soleil sur la figure. La gueule d'un jeune devenu cellule. On soigne pas les bleus avec un bisou. Non, sinon tu n'aurais pas ces yeux-là, hein. Tu peux me parler, mais épargne-moi les violons. Quand tu aborderas ton passé violent. Si tu voyais la taille des pincettes que les gens prennent quand les gens me parlent, c'est que t'enflammes si vite qu'on dit que tu es à la fois la paille et l'étincelle. Personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Y'a personne au téléphone. Bonsoir, vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice avec une spéciale aujourd'hui, puisque nous recevons Anaïs, qui est stagiaire en régie de production aux formations d'Issoudun. Donc, rebonsoir. Eh bien, rebonsoir. Si je mets le micro, ça sera mieux. Voilà, bah, rebonsoir tout le monde. Ah, par contre, moi, je ne serai pas la régie, tu vois. Non, mais il ne faut pas s'inquiéter, tout va bien. Donc, on était en train d'expliquer un peu toutes les formations qui existaient aux formations d'Issoudun. Et donc, la tienne, on allait en discuter en détail. Donc, la formation que tu suis aujourd'hui aux formations d'Issoudun, c'est régisseur de production qui est sur 6 mois, sur lequel il y a une certification avec un niveau Bac plus 2 à la sortie. La formation correspond à des cours magistraux, des rencontres avec des pros, des mises en situation et un stage, enfin, que tu vas nous expliquer par la suite. Oui. Tu vas nous détailler tout ça. Et puis, j'ai envie de te... Non, tu veux que j'aille plus loin ou tu veux y aller là? Comme tu le sens. Ok. Fais comme tu le sens. Alors, je suis. Ouais, parce que là, je vais tout dire après, donc je ne vais pas trop détailler. Mais tu sais, tu as plein de choses à dire, je le sais. Donc, en fait, la régie de production met en œuvre, j'ai trouvé, l'organisation technique, logistique et humain, en accord avec la sécurité du travail, les impératifs budgétaires, tout à fait, techniques et artistiques de la production. Alors, c'est plein de mots. Oui. Peut-être que tu peux nous expliquer réellement comment ça fonctionne, ce cursus. Et on va discuter. Vas-y, je te laisse la main. Alors, pour reprendre ce que tu viens de dire, donc il y a effectivement tout ce qui est technique et matériel. Donc, il va falloir mettre en place le matériel nécessaire pour organiser un événement. Donc là, on parle de musique, donc ça va être souvent, ça peut être les instruments, les câbles, etc. S'il y a de la location à faire ou non, vérifier les spécificités techniques. Ça peut être aussi le moyen logistique. Donc, pour faire venir des artistes à un endroit, il faut pouvoir les loger. Donc, il faut proposer, on va leur proposer des hébergements, on va les réserver, etc. Humain, parce que pour faire venir tout ce monde-là, il faut des gens pour les accueillir, pour les aider à prendre en main le matériel de la salle. Par exemple, si on parle d'une salle, il va falloir faire travailler des gens pour pouvoir les accueillir comme il se doit et les mettre à l'aise. Et puis pour le public aussi, parce que forcément, c'est bien d'accueillir le personnel technique des artistes, mais il faut pouvoir aussi accueillir convenablement le public, faire en sorte que tout se passe bien, d'où la sécurité aussi, effectivement. Et puis proposer au public aussi les boissons quand il y en a, de la nourriture s'il y en a aussi, que ce soit sur place ou dans des food trucks à l'extérieur, etc. C'est la salle qui gère ça aussi. Alors, ce qui veut dire, c'est que on va prendre un exemple. Sur un festival, toi, tu vas te situer où, en fait, par rapport à l'artiste, par rapport au plateau, avant peut-être le festival et pendant le festival. Avant le festival, qu'est-ce que tu fais? Alors, le festival, c'est l'exemple où il y a beaucoup d'exemples, parce que justement... Une salle, ou une salle de concert, peut-être. Une salle de concert, il y a moins de difficultés pour une salle de concert, parce que, par exemple, il va y avoir le régisseur général, donc c'est lui qui va être un petit peu au-dessus, pour ce qui est de la gestion, c'est le régisseur général qui va être le référent, qui va avoir au-dessus de lui un régisseur de production s'il y en a... qui va avoir en dessous de lui un régisseur de production s'il y en a un. Et après, il peut y avoir aussi un régisseur son, un régisseur lumière et un régisseur plateau. Toi, toi aujourd'hui, tu veux te spécialiser, enfin, quand tu fais cette formation-là, tu fais quoi à la sortie? T'as quoi? T'as lequel? Alors, je peux avoir plusieurs parce que notre formation, justement, ne concerne pas uniquement la régie de production. On va beaucoup plus loin, donc on voit un petit peu au niveau du matériel son, du matériel nouvelle, de lumière, pardon. Mais ce sont plutôt des connaissances générales pour pouvoir appréhender justement la gestion de tout ce qui concerne la lumière et le son. Ça ne fait pas de nous des ingénieurs son ni des ingénieurs lumière. Soyons clairs là-dessus. Voilà, c'est pas la même chose. Par contre, moi, personnellement, je suis très intéressée par la régie de plateau. La formation me permettrait de faire de la régie de plateau par la suite ou de faire de la régie générale sur une salle si j'ai envie de faire de la régie générale. Voilà. D'accord. Donc, par exemple, avant un concert, toi, aujourd'hui, tu as un artiste, enfin, un groupe qui va se produire pour une date. Qu'est-ce qu'on va te demander aujourd'hui en tant que, je sais pas, moi, tu veux te situer quoi, en tant que régisseur de prod? Ou régisseur général sur une salle ou de production. Voilà, si tu te mets en situation sur un de tes postes, par exemple, dis-moi, Régis, ce que tu préfères. Alors, sur une salle, par exemple, ce qu'on va me demander, c'est si l'artiste... En tant que quoi, régisseur de production, régisseur général, en tant que quoi? Bon, par exemple, régisseur général. D'accord. Donc, on va me dire, voilà, on va accueillir tel groupe à telle date. Donc, il va falloir prendre contact avec le régisseur de tournée, qui, s'il y en a, selon la taille du groupe, prendre contact avec le régisseur de tournée pour s'organiser. Ou le manager. Mais c'est plutôt le régisseur de tournée. Enfin, ça dépend de comment fonctionne le groupe, en fait. Ouais, bah, quand c'est des gros groupes, c'est peut-être un régisseur, alors. Hein. Voilà, si c'est des gros groupes, ça peut être un régisseur. Mmh. Si c'est des groupes plus petits, ça peut être un manager, par exemple. Et prendre contact, demander les spécificités, donc ce qu'on appelle les riders. Donc les riders, en fait, sont des fichiers où on a toutes les données concernant le groupe, en allant des spécificités par rapport au véhicule, leurs moyens de locomotion pour venir jusqu'à la salle, s'ils sont dans un tourbus, dans un van, s'ils viennent en voiture, en train, en avion... à partir de là, s'ils viennent en train ou en avion, par exemple, bah, il va falloir aller les chercher à la gare ou à l'aéroport. Donc, il faut organiser ça. Ça, c'est toi qui le fais, ça. Oui, c'est nous. D'accord. C'est nous qui allons organiser tout ça, ouais. D'accord. Ensuite, il va y avoir les spécificités alimentaires. Donc, on va leur demander. Dans le rider, il va être écrit s'il y a des allergies, par exemple, s'il y a des choses qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, pour pouvoir organiser ce qu'on appelle le catering. Quand ils vont venir à la salle et qu'il n'y ait pas de problème, justement, qu'ils puissent manger correctement et à leur faim, à leur venue. Par rapport à l'hébergement aussi, donc les hôtels, combien de chambres il faut réserver, s'il y a un chauffeur de bus et qu'il faut réserver une chambre ou un chauffeur de bus pendant la journée pour qu'il puisse se reposer, etc. Et après, il y a toutes les spécificités techniques, donc comment s'organise le plateau pour la venue du groupe. Ce qu'ils ont comme matériel, combien de musiciens, combien de chanteurs, combien de guitares, combien de batteries. Bon, en général, il n'y en a qu'une quand même. Après, il peut y avoir si c'est des tables de mixage, toutes les spécificités techniques. Donc là, tu as besoin de la fiche technique. Hein. Voilà, donc ça, la fiche technique, elle fait en général partie intégrante du rider et elle vient avec. Ou si elle vient pas avec, elle vient rapidement après. Oui, c'est en deux fois, enfin c'est en deux parties, ou alors en une partie ils mettent la fiche tech plus rider. Okay. Donc là il y a le son et puis après il y a les demandes en lumière parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle un plan de feu, donc c'est tout ce qui concerne la lumière, quel projecteur ils utilisent, à quel endroit il faut les positionner. Et s'il y a des filtres à mettre, etc., ce genre de choses. Et toutes ces spécificités-là, nous, on en parle à nos régisseurs son et lumière qui vont nous dire si ça marche, si ça ne marche pas, comment on va changer les choses pour faire en sorte que ça passe, etc., s'il y a de la location à faire. Voilà. D'accord. Toi, tu fais les branchements ou si tu laisses ça à d'autres techniciens? Alors, en tant que régisseur général, pas nécessairement. Justement, le régisseur général, il est plus là pour s'assurer de la cohésion. C'est un chef d'orchestre? Oui, c'est ça. Et puis, il va embaucher un... Donc, si la salle n'a qu'un régisseur général et pas de régisseur son et lumière en CDI, il va falloir embaucher donc, les intermittents. en lumière, en son, pour le plateau aussi, donc un technicien de plateau, ou des roads, donc c'est des manutentionnaires qui vont aider à charger, décharger les camions des groupes quand ils vont arriver et avant qu'ils repartent. Et donc nous, on embauche ce personnel-là en tant que régisseur général, et c'est eux qui vont faire le travail de débranchement, etc. D'accord, très bien. Donc, tu t'occupes de la partie également, tu m'as dit son, les éclairages, mais c'est quand même succinct. Enfin, tu veux pas, voilà, tu fais pas le travail d'un technicien, on est bien non, d'accord. Non, nous, on rentre pas dans les détails. Nous, on est là pour chapeauter, en fait, tout ça. Donc, on va réunir toutes les données. On va en parler aux régisseurs spécifiques qui sont concernés, qui, eux, vont nous dire ça passe ou ça passe pas, faut louer ou faut pas louer. Et puis, en fonction de ça, nous, on va louer le matériel, on va regarder au niveau du budget si ça passe ou si ça passe pas, et puis voilà. Et au niveau du budget, tu travailles avec l'administrateur, non ? Avec qui tu travailles en salle, généralement ? Oui, ça peut être tout à fait l'administrateur qui va nous dire pour l'année, par exemple, on a tel budget, pour cette date-là, on a tel budget, donc il faut pas dépasser, et puis c'est lui qui va nous dire ça. C'est aussi au niveau des contrats. Nous, on va choisir le personnel qu'on va embaucher, mais c'est l'administrateur qui va faire les contrats et puis qui va les payer derrière. D'accord. Donc là, au niveau des cours que tu as aujourd'hui, que tu suis en fait aux formations d'Issoudun, on te donne des outils informatiques aussi, des logiciels, oui. On te donne ce genre d'informations. On te donne les outils aussi. En tout cas, on nous apprend à les utiliser, sachant que chaque production va utiliser des outils un peu différents. Il y a différents outils, enfin il y a différents logiciels qui peuvent exister et chacun va utiliser un peu le logiciel qui lui convient le mieux. Mais on essaye de nous en montrer plusieurs pendant la formation pour qu'on puisse se débrouiller un petit peu selon les salles où on va atterrir ou festival, peu importe. Toi, tu n'interviens aucunement sur toute la partie contractuelle. Avec les artistes Non. On a quand même des cours sur le contrat en formation, parce qu'on a une formation quand même qui est très large, donc on sait comment on pourrait faire, parce que en général, les artistes vont être, quand ils sont signés par une maison de disques, ils sont embauchés de ce côté-là. Mais pour des artistes amateurs qui sont un peu indépendants, finalement, c'est la salle qui va les embaucher via ce qu'on appelle si c'est des petites structures comme les cafés-concerts qui ne font pas beaucoup de concerts à l'année, c'est le GUSO qui va être utilisé pour les salles. Après, on va leur faire des contrats de durée déterminée d'usage, des CDDU. D'accord. Voilà. Ce sont les mêmes que pour les techniciens, d'ailleurs. D'accord. Oui, donc vous êtes obligé un petit peu d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe lors d'un concert. Oui. Et ton travail s'arrête à quel moment ? C'est une très grande question, puisque ça dépend. Je te la pose. Mais en fait, ça dépend tellement de la structure dans laquelle on atterrit, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas le même personnel. Donc en fait, il y en a où ils vont être limités à des tâches spécifiques, par exemple ça peut être le matériel avec tout ce qui est son, lumière et décor, avec les problématiques de budget qui nous est alloué. Il y en a qui vont se charger des contrats aussi, par exemple si c'est une petite structure et qu'il n'y a pas vraiment d'administrateur, ça peut être le régisseur qui fasse les contrats. On peut être amené à toucher à énormément de choses, en fait, selon la taille de la structure et les besoins. Et les besoins sont tellement différents d'une structure à l'autre. Il n'y a pas un régisseur dans chaque structure, on est d'accord. À partir de quand tu penses qu'on en a besoin d'un régisseur ? Les salles de concert, les SMAC ? Oui, les SMAC, ouais, il va y avoir un régisseur, il va y avoir un régisseur dans une SMAC. Au moins un directeur technique avec soit un régisseur général ou soit un régisseur son, par exemple. Qui va avoir des tâches peut-être un peu plus larges qu'un régisseur son classique. Donc en fait, il y a des régisseurs qui travaillent en tant que salariés dans ces structures-là. Oui. Et il y a aussi des intermittents. C'est ça. D'accord. Donc après, ça peut être des opportunités, des choix de vie finalement. Il y en a qui préféreront être embauchés en fixe dans une salle Et bah, c'est vrai que c'est, ça met à l'abri quelque part parce qu'on est embauché en CDI dans un endroit et quand on a par exemple une vie de famille ou même quand on a juste envie d'être en fixe à un endroit, ça peut être intéressant. Et il y en a qui ont plutôt envie de bouger et donc là, bah, c'est les intermittents plutôt où on va être embauché dans une salle, dans une autre, sur des festivals pendant l'été ou même bah, des festivals, il y en a aussi en hiver parfois, qui se déroulent dans des salles pour le coup, mais ça peut être sur des festivals en hiver aussi. Et donc là, bah, c'est ce qu'on appelle l'intermittence. Une question par rapport toujours à ta formation, parce que c'est la base. Là, aujourd'hui, vous êtes combien dans votre formation ? En régie, on est 20. D'accord, 20. Donc sur les 20, comment on fait pour candidater déjà ? Sur ce genre de... Quel profil on doit avoir ? Et est-ce que aussi, deuxième question, peut-être qu'elle va... On a le temps, t'inquiète pas. Oui. Je sais moi venir, on regarde l'horloge. J'ai eu un peu peur de parler trop, en fait. Ah non, mais très bien. Tout se passe bien. D'ailleurs, regarde même pas l'horloge. D'accord. Je regarde en face de moi. Je vois Honnère en face de moi. Pardon, je m'excuse d'avance pour les blagues pourries, je vais essayer de pas en faire. Non, ça passe. Bon, c'est... on est entre nous. Hein. donc, ma question était, quel profil tu penses qu'il faut avoir pour candidater sur ce genre de profil, en fait ? Quel profil tu dois avoir ? Je sais pas si ma question, elle est claire. J'ai compris le sens, tout va bien. Ouais, mais de l'autre côté, je sais pas s'ils ont compris. Et est-ce qu'il faut avoir un niveau d'anglais ? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de mots techniques. Oui. De vocabulaire technique, et je me posais la question si c'était quand même facile d'accès. Voilà, c'était mes deux petites questions. Alors, pour le profil, c'est une formation professionnelle. Donc, en général, ils prennent plutôt des gens qui sont plus ou moins issus du secteur, dans le sens, pas forcément qui ont déjà travaillé dedans ou quoi, mais qui ont fait beaucoup de bénévolat, par exemple. Il faut avoir quand même montrer de l'intérêt pour le secteur et pas juste dire « Oh bah, j'ai envie de changer, mais j'ai jamais touché à la culture ». Ça, c'est un petit peu compliqué parce que s'intéresser à la culture, mais sans connaître vraiment les spécificités et les enjeux liés à un festival ou à une salle, c'est un peu compliqué. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bénévolat à côté de son métier, métier qui peut avoir absolument rien à voir avec la culture, d'ailleurs, on en a plusieurs exemples, mais ils ont fait du bénévolat dans des salles, sur des festivals. Il y en a qui peuvent partir effectivement en tournée avec des groupes pendant leurs vacances de manière bénévole. Juste, ils ont rencontré un groupe qui leur a dit on a besoin de quelqu'un pour tourner avec nous et pour faire les accueils, etc. Et puis, je vais prendre 3 semaines de vacances et puis je vais faire la tournée avec vous. Et c'est totalement à perte, presque pour eux. Mais du coup, ils ont besoin de se former pour connaître la régie de tournée, vraiment tous les enjeux et tous les aspects qui sont liés à ça, pour connaître la régie sur les festivals ou dans les salles. Et donc, à partir du moment où on a fait un peu de bénévolat, qu'on sait comment ça se passe et qu'on voit un peu le secteur, comment il fonctionne, là, ça peut être intéressant de se rapprocher au moins des formations d'Issoudun. Je conseillerais effectivement de faire les stages courts parce que ça donne vraiment une très bonne vision d'ensemble du secteur. Et c'est toujours très utile. Ça permet aussi de voir un petit peu comment ça se passe aux formations d'Issoudun. Et après, postuler à partir du moment où on est sûr de son projet. Parce qu'il faut avoir quand même un projet bien défini pour pouvoir postuler aux formations. C'est quand même un aspect très important au moment où on passe les entretiens. Alors justement, les entretiens, tu passes devant un jury, comment ça se passe ? Oui. Les entretiens où c'est individuel, t'as un test d'anglais, t'as quoi ? Alors oui, du coup, je vais faire un petit peu le rapprochement avec l'anglais, la question que tu posais tout à l'heure. Donc en fait, comment ça se passe ? Donc les formations, d'ailleurs, les candidatures sont ouvertes actuellement pour l'année prochaine. Donc il suffit d'aller sur le site des formations d'Issoudun, d'aller regarder les trois différents métiers dont on a parlé, et de demander un dossier de candidature directement en ligne. Quand le dossier de candidature est envoyé aux formations d'Issoudun, il y a une première sélection sur dossier où on va choisir les profils qui sont les plus pertinents pour la formation. Puis une fois que les dossiers sont passés, il va y avoir un entretien individuel qui va se dérouler devant un jury de professionnels. Donc il va y avoir deux personnes issues, enfin qui travaillent aux formations d'Issoudun, qui vont faire passer l'entretien, et des professionnels à côté du métier qui vont voir si la personne elle convient ou pas pour ce type de métier. Et une fois que les entretiens individuels sont passés, on a la réponse si oui ou non on est accepté. Et l'anglais fait partie des épreuves quand on passe l'entretien individuel. Il y a une partie où on va passer un examen d'anglais, sachant que c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que pour donner une idée du niveau d'anglais et voir si on va avoir besoin d'une remise à niveau qui sera proposée par la formation après. Oui, une alternative. Voilà, bah c'est en général ils proposent des petits cours de remise à niveau pour permettre justement de rattraper un niveau d'anglais suffisant pour exercer la profession. Mais c'est pas rédhibitoire lors de la sélection de parler très bien anglais. Pas du tout. Je regarde l'heure, mais je me dis non, on est bien parti là, on va pas s'arrêter. D'accord. Pourquoi t'as choisi ce métier, toi ? Alors, c'est venu de manière un peu. Enfin, moi, j'ai fait de la musique depuis plusieurs années maintenant, enfin depuis que je suis adolescente. Et je me suis engagée sur des voies complètement éloignées à tout ça. Jusqu'au moment en 2016 où j'ai travaillé dans une structure pour un magazine. Et cette structure faisait également des ciné-concerts sur Paris, mais aussi un peu partout dans le monde. Et j'ai été très intéressée par la partie ciné-concert. J'ai un peu travaillé dessus, mais plutôt dans l'administration, entre guillemets, où je faisais un peu de la réception pour la billetterie, de la facturation... les goodies aussi, parce qu'on vendait des goodies sur le site internet. Et tout ça, ça m'a donné envie de me pencher un peu sur le côté culturel, sur tout ce qui concernait l'organisation de spectacles et ce genre de choses. Je suis revenue sur Orléans après ce contrat de travail et je me suis rapprochée de l'Astrolabe, qui est donc la SMAC d'Orléans. Je suis allée leur poser quelques questions pour savoir comment ça se passait, comment on faisait justement. On a parlé un petit peu, ils m'ont renvoyé vers la FRACAMA, qui est la fédération qui regroupe toutes les structures un petit peu qui sont liées aux musiques actuelles dans la région. Et la FRACAMA m'a redirigé ensuite vers les formations d'Issoudun. Et les formations d'Issoudun, j'ai fait donc les deux stages courts dont on a parlé tout à l'heure, organisation du monde de la musique, qui m'a donc donné une idée globale du secteur. Et quelques mois après, j'ai fait la formation régie générale qui m'a donné... ça a été le déclic, en fait, où j'ai compris, quand j'ai fait ce stage court, que c'était vraiment le métier qui correspondait le mieux à tout ce qui m'intéressait, tout ce à quoi j'aspirais. Et ça a été le gros déclic, en fait. D'accord, donc c'est vraiment la vocation. Là, t'as vraiment senti que c'était... J'ai vraiment senti que c'était ça qui faisait... C'était quelque chose qui me correspondait à tout point de vue. Et ça a fait déclic à ce moment-là, en fait. Donc là, tu as commencé quand ta formation ? Alors, on l'a commencé en janvier. D'accord. Du coup, ça traîne un petit peu parce qu'on a eu le confinement, tout ça, comme tout le monde. Hein. Mmh. Et du coup, ça a décalé la fin de la formation. Normalement, on aurait dû finir fin juillet, stage inclus. Mmh. Et là, on va finir fin septembre, stage inclus. D'accord. Ah. Donc le stage, c'est dans quel type de structure ? Tu as trouvé ton stage ou pas ? Ça peut être dans n'importe quel type de structure. Normalement, on fait beaucoup de stages sur les festivals, mais cette année, c'est pas trop possible. Mais là, finalement, donc c'est pas encore acté, donc du coup, je vais peut-être pas trop non, en parler. Non, on en parle pas. Ouais, on c'est en pas parle, acté encore. Je suis d'accord, on en parle. Vaut mieux pas qu'on en parle. Toi, l'idéal, toi, t'as envie de travailler sur quelle structure, par contre, après ? Alors il y a plusieurs choses qui me... enfin en fait je suis intéressée par beaucoup de choses donc finalement c'est un peu compliqué sachant que j'ai un très fort attrait pour la régie de tournée donc je verrai si j'ai des opportunités là-dedans parce que c'est encore un autre métier et qui demande beaucoup de... Mais tu peux y accéder avec ce que tu as avec ta formation ou c'est encore Oui, je peux y accéder. Le problème, c'est que la régie de tournée, c'est assez complexe. Ça demande, selon moi aussi, quand même, à avoir un peu de bagage, je pense. Donc en fait, c'est un mix entre manager et la régie générale. C'est un peu. C'est un peu les deux, ça. Non, en fait, le régisseur de tournée va accompagner en tournée. Donc oui, il y a un petit rapport avec le manager. Enfin, il y a un rapport avec le manager. C'est que le métier de manager, ouais, en fait, est tellement large aussi que il y a des managers qui ne partent pas du tout en tournée. Et puis, il y en a qui vont partir avec les groupes. Donc, c'est très, très large. Oui, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des branches possibles, tu vois, qui peuvent... Mais du coup, voilà, le régisseur de tournée, on va faire la préparation d'une tournée pour un groupe. Et c'est lui qui va être en contact avec le régisseur d'une salle dont on a parlé tout à l'heure. C'est lui qui va donner, bah, par exemple, des précisions. Si le rider, il y a besoin de préciser certaines choses... c'est lui qui va donner les précisions au régisseur de salle qui va les accueillir. Il s'occupe des déclarations SACEM, des trucs comme ça aussi, peut-être ? Non, même pas ? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, si, si, si, il va s'en occuper. Il va s'occuper, bah, par exemple, des assurances aussi. Il faut s'assurer que tout le monde ait bien tous les documents nécessaires pour partir en tournée, ne serait-ce que déjà en France, mais encore plus à l'international. Alors, il y a toutes les histoires d'espace Schengen, mais pour ce qui n'est pas dans l'espace Schengen, il y a encore d'autres histoires... administrative, etc. Et le régisseur, il est, bah c'est lui qui va avoir tous ces documents-là, qui doit pouvoir présenter tous les documents nécessaires, avoir tous les certificats concernant le matériel aussi, par exemple. Et cette certification-là, est-ce qu'elle est valable aussi ? Alors, je crois qu'on ne m'entendait pas très bien. Est-ce que c'est cette certification-là, si tu devenais régisseuse donc de tournée, est-ce que tu peux le faire pour un groupe étranger à la France ? Est-ce que c'est valable ailleurs ? Oui, oui. Alors, c'est valable donc, non seulement pour des groupes étrangers qui viendraient tourner en France. On peut faire ce genre de choses. Et on peut aussi exercer le métier de régisseur de tournée à l'étranger. Moi, ça pourrait être justement une opportunité qui m'intéresserait beaucoup. Ce serait effectivement de faire de la régie de tournée pour un groupe étranger et pas forcément en France. Après, c'est pas seulement une question de diplôme, parce que la certification à Issoudun, ça aide beaucoup, ça apporte beaucoup de connaissances. Après, à l'étranger, ça fonctionne un petit peu différemment aussi. Même en France, les métiers de la musique ont longtemps fonctionné finalement sans certification, sans études, sans formation. Et ça commence à changer depuis quelques années maintenant, mais très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et à l'étranger, c'est la même chose, un petit peu. Ça fonctionne pas. Ça me fonctionne tellement au réseau, finalement, à la confiance qu'on accorde aux personnes. On se dit, ah bah, telle personne, elle a les épaules pour, elle a les compétences. Et même si elle n'a pas le diplôme, bah, on sait qu'elle va pouvoir faire le taf. Absolument, oui. Donc c'est ça, c'est ce qui compte le plus, finalement, je dirais. D'accord. Est-ce que tu peux travailler dans des théâtres aussi également ? Oui. Il y a des passerelles, non ? Oui, enfin, je sais pas, mais je sais pas exactement si ça peut fonctionner, mais oui, quand même, parce que c'est des compétences transversales. Il faut réadapter, parce que le théâtre ne demande pas exactement le même matériel que de la musique. Donc, il faut être capable de se réadapter à l'environnement. Mais en fait, oui, c'est un métier qui ressemble. Ça reste un métier de régisseur. Il faut juste se réadapter au secteur dans lequel on va travailler, finalement. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui est physique ? Oui. Oui, oui. Oui, en fait, déjà parce qu'il y a les horaires qui sont souvent décalés. Forcément, les concerts, c'est pas de 9h à 18h. Très souvent, les concerts, c'est plutôt le soir. Donc, il faut gérer son sommeil. Il faut gérer la fatigue, il faut gérer le stress, parce qu'en tant que régisseur, on va avoir des coups de stress, des coups de speed, parce qu'au dernier moment, il va se passer quelque chose et il va falloir gérer ça. Et il faut être en parfaite gestion de ses propres aspects-là, que ce soit le stress, que ce soit la fatigue. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut pouvoir se reposer quand on en a l'occasion. Donc oui, c'est quand même très physique, sans compter le fait qu'on va beaucoup marcher, qu'on va beaucoup se déplacer, qu'on va soulever des charges probablement. Il faut faire attention à tout ça. Donc, ouais. C'est un métier plus d'hommes ? Il y a quand même quelques il y a combien de filles, combien de femmes, pas de filles, moi que je dis, combien de femmes dans ta promo ? Alors, on est un peu plus de femmes que d'hommes. J'ai pas le nombre exact en tête, mais il doit y avoir 11 ou 12 femmes pour 8 ou 9 hommes. Alors, ça reste à peu près équilibré quand même, hein. C'est pas non plus ça reste à peu près équilibré, mais il y a quand même un peu plus de femmes que d'hommes, mais c'est en évolution, puisque avant il y a quelques années c'était plutôt, j'aime pas ces expressions de métier d'homme ou de femme finalement, parce que mais oui, enfin faut dire quand même ce qui est, c'est que c'est quand même ce sont quand même des métiers qui sont à l'origine très masculins. Les femmes rentrent dans le secteur et ouais, c'est début, en là. Évolution. On est au début. Au début, je dirais pas, mais c'est en évolution en tout cas. Ça fait longtemps qu'il y a des femmes dans le secteur, mais là, c'est en train quand même de. Les mentalités sont quand même bien en train de changer. Je dirais pas que ce soit un problème aujourd'hui d'être un homme ou une femme dans ce métier-là. Tout est ouvert. Oui. Il faut vraiment rester tous ouverts d'esprit pour pouvoir justement. Faire sa place en tant que personne avec des compétences et non pas en tant qu'homme ou en tant que femme. Combien ça coûte une régisseuse, si tu as une fourchette à nous donner ? Au niveau de la fourchette, ça peut être entre... Selon, par exemple, pour la régie générale, on va être plutôt autour de 1700 brut. 1700, 1800, après tout dépend, 1700, 2000, 2100, tout dépend en fait de la structure dans laquelle on va travailler. D'accord. Tout dépend aussi si on est en fixe ou si on est en intermittence. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Alors j'ai une petite... tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois que c'est bon. moi j'ai une dernière question, généralement c'est toujours la même. Comment tu te vois... Enfin, j'en ai deux. Comment tu te vois dans 5 ans ? Ah, mais ça, on me l'a posé l'année dernière lors de l'entretien, justement. Ah bah, tu vois, je pourrais être dans le jury, moi. Alors, comment je me vois ? Je laisse beaucoup les opportunités venir aussi, dans l'idéal, parce que c'est toujours une question d'idéal, finalement. Dans l'idéal, j'aimerais beaucoup faire de la régie de tournée, tourner à l'étranger beaucoup, parce que j'aime énormément bouger, voyager, être sur la route, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc dans l'idéal, faire de la régie de tournée pour un groupe, pour plusieurs groupes d'ailleurs, parce qu'on ne part pas forcément toujours avec les mêmes. Donc dans 5 ans, si je pouvais en être là, je serais quand même bien contente. Mais après voilà, je laisse les opportunités venir à moi aussi, parce qu'il peut y avoir d'excellentes opportunités qui se présentent d'ici là, et puis finalement peut-être que la tournée se sera mise de côté, je sais pas, on verra. Quel conseil tu donnes à ceux qui veulent rentrer dans ce métier ? Le premier conseil que je donnerais, ce serait de faire du bénévolat, de se rapprocher des salles de spectacle à côté de chez soi. Passer un coup de fil ou pousser la porte pour leur parler. Ce sont généralement des gens très ouverts qui n'hésiteront pas à vous donner des billes pour commencer dans le bénévolat déjà. Ça permet de voir si on est capable physiquement justement de supporter les horaires décalés. Oui. Ensuite, il y a les salles, mais il y a aussi les festivals l'été qui sont très physiques et qui ont... c'est pas exactement le même rythme que dans le travail en salle. Donc du coup, faire des festivals, c'est pas si compliqué que ça d'être bénévole en festival. Il y a énormément de festivals, il suffit d'aller sur le site internet. Et en général, il y a une petite case, devenir bénévole, on clique dessus, on s'inscrit. Et sur certains festivals, on peut choisir les postes auxquels on veut être affecté. Et c'est par là que tout commence finalement. Et puis là, on va rencontrer des gens. Faut pas hésiter à parler, à s'ouvrir. On va rencontrer des régisseurs, on va rencontrer d'autres bénévoles, des techniciens. Et c'est avec ces gens-là, en parlant avec eux, qu'il y a des opportunités qui vont se créer. Et voilà. Puis ne pas hésiter à se former si on a l'opportunité de se former aussi, parce que c'est quand même un sacré tremplin. Ça aide beaucoup. Ce que j'ai appris là en 6 mois, il m'aurait fallu plusieurs années pour l'acquérir en festival. Donc voilà, après, c'est les principaux conseils, ce serait ça, ce serait de pas hésiter à s'engager en tant que bénévole dans une association, dans une structure, sur un festival, et puis et de parler aux gens. Eh ben écoute, tu as tout dit. D'ailleurs, je crois qu'on s'est rencontrés sur un bénévolat de festival, toutes les deux. Oui, l'Astrolab, hop. Ouais, c'est ça, c'était ouais, sur Hop. On s'est rencontrés et moi, j'étais aux loges aussi. Mm. J'étais affectée à l'accueil des artistes en tant que bénévole. Mm-hmm. Et en effet, il y avait régisseur de tournée, il y avait une régie générale de mémoire aussi, qui est toujours d'ailleurs. Oui. Et c'est un touche-à-tout hein, en fait. Un bénévole, c'est une entrée à plein de choses en fait. Oui, oui, oui, et puis ça permet vraiment de rencontrer, enfin voir les choses de l'intérieur justement dans les coulisses pour refaire le. Bah voilà dans les coulisses. Oh, t'as trop bien dit. Bah ouais non mais c'est ça c'est. C'est le métier des gens. Être bénévole, c'est être dans les coulisses finalement du spectacle et là, voir comment ça se passe. Tu sais c'est une bonne idée. Je ferai un appel justement aux bénévolat, à ceux qui sont bénévoles et je pense que c'est une bonne idée là ce que tu viens de me donner. Ouais, je pense que ça peut être intéressant aussi qu'est-ce de voir. Qu'est-ce que c'est qu'être bénévole dans sur un festival. Oui, et ben ça sera une prochaine émission. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Alors, tu sais, on va se quitter. Je suis désolée, mais oui, il va falloir. On va se quitter. C'était quand même super. J'étais ravie d'être là. J'étais ravie de pouvoir partager tout ça avec toi et avec tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés. Moi, je suis très contente de t'avoir accueillie. En plus, tu fais partie des formations d'Issoudun. Donc, quoi de mieux pour expliquer ce qu'est le métier ? Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je te remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir fait de la route. Aucun problème. La distance problème. Pour venir à mon émission. Donc, encore merci, Anaïs. Aucun problème, c'était un plaisir. Oui. En tout cas, moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour ta suite de carrière. Merci beaucoup. Et bah, la même chose pour toi aussi. Oui, bah, on verra la mienne. Ah bah oui, mais moi je trouve ça super intéressant et c'est pour ça j'étais ravie d'avoir ton appel pour pouvoir discuter et d'avoir cette opportunité de parler des métiers de la régie. Oui, bah, c'est super intéressant, les métiers de l'ombre, puis bon la régie c'est assez vaste, donc c'était super. Merci beaucoup, rentre bien, bonne continuation, tu reviens quand tu veux, tu es la bienvenue. Merci beaucoup. On va te suivre, donne-nous tes nouvelles. Oui, d'accord. Je croise les doigts, il faut que tu aies un super stage, un super poste. ne m'oublie pas. Pas du tout, je ne t'oublierai pas. On se reverra de toute manière sur les festivals. Avec plaisir. Ouais, redonne-nous des nouvelles. De mon côté, je vous donne rendez-vous lundi prochain, le 20 juillet, avec un artiste en guitare-voix, Vince Terranova. Vous pouvez retrouver la prochaine émission de Radio Web Passion Only Rock le mardi dès 17h30 animée par Fabien. De mon côté, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre écoute. On va se quitter avec un groupe qui s'appelle Grand Singe. Le titre, c'est Goliath. C'est un trio d'MC et de beatmakers originaires de Besançon, un rap masqué, un groove cabossé avec des envies de casser les codes. Bon retour à vous et à très bientôt. Au revoir. J'avais sur des bouts de caoutchouc. J'avais rangé le bac en mode papy. Charentaise, le rap entre parenthèses. La quarantaine, je reviens dans le game. C'est pas le tact, mais le tacle à l'anglaise. Trop envie de kicker comme une envie de niquer. Je suis sentimental, puis ça part en baisse. So, je renais de mes cendres et vous tire vers le haut. Ne nous faites pas redescendre. Allez vous faire liker. Moi j'ai le mic dans la peau comme une tache de naissance. Des bourreaux réputés, des hommes exécutés. J'ai beau être éduqué, ma rage est décuplée. J'ai shooté le shérif. Mais j'aurais dû shooter le député. Je vais pas me faire sauter pour un paquet de vierges. Elles sont déjà au taquet, prêtes à se faire sauter. Plutôt que d'aller voter, faut leur voter le terre. Père choléra aux coqueluches. Ces fils de pute ont buté Coluche. Du panache, ma ganache. Une rose au bout de la calache. J'pose parfait dès la métrique. Quand tous les autres sont à l'arrache. Et quand je compose, Buzz Stand, c'est l'Amérique. La terre des Apaches, on déterre la hache de guerre, ça clash. Les MC jouent à cache-cache et mâchent de l'herbe comme les Wawash. Merde, j'ai déjà des bornes. Sache que mes premiers bornes, c'est à Batacache avec des potes et du popcorn. Et dans les 70s, comme les Goonies à la recherche de Willy le Born. Les mecs nous font bouffer les miettes, peuvent couler les Grecs. Clouer les becs et toucher les chèques. Arrêtez de rouler des becs, de vous faire pousser des crêtes. Il est temps de couper des têtes. Je vais pas me faire sauter pour un paquet de vierges. Elles sont déjà au taquet, prêtes à se faire sauter. Plutôt que d'aller voter, faut leur voter le terre. Père choléra aux coqueluches. Ces fils de pute ont buté Coluche. Je vais pas me faire sauter pour un paquet de vierges. Elles sont déjà au taquet, prêtes à se faire sauter. Plutôt que d'aller voter, faut leur voter le terre. Père choléra aux coqueluches. Ces fils de pute. Des samedis contre leurs frasques, des pavés contre leurs casques. C'est ma vie contre leurs liasses, c'est David contre Goliath.